tu savais comme je pleure, tu pourrais compter mes larmes, tu pourrais ramasser mes armes avec mes bouquets de fleurs. C'est la fin des mimosas, nous ne vieillirons pas ensemble. J'ai peur, j'ai froid et je tremble, si tu savais tout ça, Lyuba. Au parc Monceau, les canards font de la luche sur le lac. Excuse-moi, mais je vide mon sac, ils glissent comme moi au hasard. Tu repars vers ta Russie, et les enfants rois ferment les yeux. Je reste ici, je peux pas faire mieux. Je meurs à Paris, je meurs ici. Et dans mes nuits les plus belles, je t'aime encore et je t'étreins. Jamais ton feu ne s'éteint, ma petite mère Noël. Pour la douceur de ton corps et le parfum de ta peau et la chaleur de tes mots, pour tout ça je t'aime encore. Pour la douceur de ton corps et le parfum de ta peau et la chaleur de tes mots, pour tout ça, je t'aime encore.